Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon. Patreon.com/papacassette. Le podcast de Papa Cassette est présenté par Level Up, le café numéro 1 des gamers. Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode... Fuck, j'ai oublié, mais... Épisode 116, je crois. Je suis trop énervé. Il y a des nouvelles affaires aujourd'hui. Fait que vous avez remarqué, nouvel environnement ici. Donc, c'est l'environnement de Rétro Nouveau. En fait, c'est le studio de Rétro Nouveau. Je suis seul dans le studio ce soir. Ça fait changement. Et puis, ouais, ça fait drôle même d'être seul ici. Mais GF, il m'a aidé à setuper tout ça. Alors, c'est un beau spectacle ce soir. C'est un beau spectacle, il y a bien des affaires. Donc, GF m'a aidé à tout mettre ça en place. Ben, moi, j'ai rien fait. GF a tout mis ça en place. On a fait des tests ce matin et puis ça fonctionne. J'ai mon Stream Deck ici avec les petits pitons là qui m'a tout fait. Et puis, tout est beau. Alors, ce soir, vous avez vu, premièrement, une nouvelle commandite. En fait, ma première commandite pour le podcast de Papa Cassette. Il s'agit des cafés Level Up. Donc, je suis vraiment très, très, très heureux d'avoir comme commanditaire ces cafés-là. Et que je ne connaissais pas, c'est Fanny du podcast La vie secrète des geekettes qui a mentionné ça à Martine, directrice générale chez Retro Montréal, qui est aussi sur le show des geekettes, et puis qui m'en a parlé. Puis, vous savez, hein, moi, puis le café dans mon podcast, c'est tout le temps besoin de café pour survivre. Donc, c'est ça. Puis, vous étiez quelques-uns quand même à avoir dit à la blague, « Tu devrais te trouver une commandite de café, Papa Cassette, commandite de café. » Puis, ça me restait en tête. Mais, tu sais, comme je ne vais pas appeler Max Wallace, moi, là tu sais. Donc, quand j'ai vu que ces cafés Level Up, là, existaient, je me suis renseigné. Je trouvais ça intéressant. Je les ai appelés et puis ils ont accepté. Alors voilà, j'ai maintenant le café gratis sur le podcast. J'ai même une petite tasse ici que vous voyez, Level Up Café. C'est-tu pas beau ça? Ah, et puis, ben, je vais vous le présenter, le commanditaire, parce que je ne le connaissais pas moi non plus. Alors là, il y a beaucoup de choses. Je l'ai noté ici. Sur un papier virtuel. Alors, je vais tout vous dire ça. Donc, Level Up, c'est une entreprise née des deux plus grandes passions du fondateur, Mathieu Godbout, les jeux vidéo et le café. Donc, il a commencé avec l'Atari, comme moi. Et puis, sa première console a été la NES, comme moi, en 1988. Et puis, il n'a jamais arrêté depuis. Son entreprise est 100% québécoise et ça livre partout au Canada. Donc, vous comprendrez que les grains de café ne sont pas cultivés là, à Lévis ou bien à Mascouche, mais tout le reste, c'est québécois. Donc, tous les cafés sont de torréfaction supérieure avec des mélanges de grains 90% Arabica certifié, SHB, Strictly Hard Beans. C'est de la très grande qualité, ça, selon Mathieu. Et puis, ils contiennent tous 10% de Robusta Indian Cherry. Donc, le meilleur, selon Mathieu. Là, je vous drop du knowledge que je n'ai pas. Hein. Moi, je bois du café, mais je ne suis pas très connaisseur de café, donc je vais apprendre avec ça, ces beaux produits-là. Il y a trois torréfactions pour vous satisfaire. Le AFK, ici, présent. C'est comme un jeu de mots. Hein. Je ne joue pas à ça, des jeux. Ben, je ne joue pas du tout à des jeux d'ordinateur ou de PC. Fait que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire « away from keyboard », selon mes employés chez Retro MTL. Donc, c'est du lore d'ordinateur. C'est très geek. Et puis, torréfaction moyenne, veloutée, disponible moulu. On a le Respawn ici, le Respawn. Torréfaction mi-noire, balancée, disponible moulu et en grain. Moi, j'ai que du moulu ici parce que j'ai pas de machine à grain encore, mais ça viendra peut-être. Et puis, le BR pour Battle Royale. Non, pour Black Roast. Donc, torréfaction noir, corsé également, disponible, moulu. Donc, il va falloir que j'essaie tout ça. Présentement, c'est ça. Excusez, je me suis trompé. Donc, on fait suite. Ils ont élaboré une mouture nommée CH34T. Là, quand tu regardes le mot, ça fait comme cheat, grind. Donc, c'est le cheat Grain, qui est une mouture pour toutes les machines et toutes les façons de faire le café. Machine espresso manuelle, cups réutilisables, Nespresso, Keurig, etc. French press, donc bottom. Percolateur, mocha, pot, cafetière italienne, filtre, pour over, Chemex, Aéropress, etc. Donc tout cela se peut. Et puis, pour avoir plus de détails sur toutes ces choses dont je connais 50% et dont je me renseignerai avec le temps, il est temps que je up ma game de café personnelle là, quand même, vu que j'en bois pas mal. Donc, tout ça, plus de détails sur tous les produits Level Up et l'histoire riche derrière cette entreprise au levelup.coffee. Donc, levelup.coffee. Level Up. Café de qualité épique au goût légendaire pour des clients mythiques. C'est-tu assez beau, ça? C'est-tu assez beau? Fait que, puis parlant de beau, ben moi, je trouve le packaging très joli, en fait. Il y a comme des petits filigranes, là, puis tout ça. Vous pouvez pas le voir à l'écran encore. Fait que, non, moi, je trouve que c'est du beau stock. Et puis, présentement, je suis sur le Respawn, et puis j'aime beaucoup ça. Je vais emmener ça à la maison. Je vais faire goûter ça à mes employés. Et puis, je remercie énormément Mathieu pour la commandite. Là. Vraiment, ça a super bien été. Comme il était bien content. Puis moi aussi, je suis comme, ouh, j'ai du café. Alors, oui, longue vie. Et puis, j'espère que ça va bien me garder réveillé. Là. Ça devrait. Ah, là, j'ai moins de contrôle sur ce micro-là. J'ai l'impression que je tape dedans puis je fais full de bruit dedans. Là. Mais mes volumes devraient être pas si pires là, d'après ce qu'on a testé ce matin. Donc, ouais, j'avais dit que je voulais comme essayer d'améliorer un peu le visuel et puis ce que je faisais dans le fond. Ça demeure. Là, c'est juste moi qui parle à la caméra comme à mon ordi avant. Mais là, l'image est plus claire, I guess. On a juste une caméra, elle est loin, là-bas. Je pourrais être plus en close-up, mais j'ai de la misère avec le pied un peu. Il y aura des ajustements. À titre informatif aussi, moi, le visuel ici en arrière, des panneaux pour le son, que je pense qu'ils sont inefficaces et inutiles, j'aime pas bien ça. Pas sûr que les gars de Rétro Nouveau non plus, fait qu'on va peut-être changer ça avec le temps. Fait qu'il y aura de l'amélioration. Il y a toujours de l'amélioration dans ces beaux projets de podcast-là. Et puis, aujourd'hui... ça a été mentionné il y a quelques semaines en commentaire sur un de mes autres épisodes, je pense, qu'on disait quand est-ce que Papa Cassette ferait un spécial Castlevania? Et puis il y a eu une couple de likes là-dessus, puis de réactions, puis de cœur, puis tout. Alors ce soir, c'est ce que ce sera, un spécial Castlevania. C'est fantastique ça. Et puis, vu que Jeff Young Media, que j'ai mis en intro aussi, il m'aide tellement là-dedans. Jeff m'a trouvé du gameplay pour les Castlevania. Donc, ça va être très cool. Il va y avoir du gameplay pour toutes les Castlevania dont je vais parler. Et puis, je vais y aller comme chronologiquement à peu près pour les consoles, les sorties, tu sais. Et puis, ça va représenter aussi l'ordre dans lequel moi, j'y ai joué personnellement. Fait que c'était la bonne franquette. Ça va être mes émotions, tout ça, par rapport à tous ces beaux Castlevania-là qui ont baigné ma vie. Il y en a que ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais j'ai oublié. Il y en a d'autres que je vais m'étaler un petit peu plus. Fait que ça va être bien le fun. Donc, je m'enligne tout de suite. On va commencer maintenant. Je pense que ça pourrait être un long show. Alors, on commence avec le classique des classiques, Castlevania 1 au NES. On peut voir du gameplay maintenant à l'écran. Et puis, moi, Castlevania 1, c'est pas de temps avec lui que j'ai commencé. Ben, c'est pas vrai. J'ai appris l'existence de Castlevania, le jeu, grâce à Castlevania 1, comme ça. Et puis, à un moment donné, j'étais allé à Old Orchard Beach, parce que mes parents m'amenaient là l'été. C'était la famille, c'était nos sorties, c'était nos vacances. Puis, il y avait plein d'arcades dans le temps. Puis, il y a quelqu'un qui jouait à Versus Castlevania. Sur un cabinet upright, là, un cabinet standard debout. T'sais. Parce que Nintendo, ils ont des arcades cabinet versus. Donc, versus Excitebike, versus Castlevania, versus Super Mario, versus... Je sais pas pourquoi ils appelaient ça versus. Peut-être tu peux jouer un contre l'autre à l'arcade, je sais pas. Et puis, moi, je savais pas que ça s'appelait versus Castlevania quand j'ai vu ça quand j'étais petit, mais je voyais que, wow, il y a quelqu'un qui joue à Castlevania à l'arcade. Fun fact, tant d'années plus tard, maintenant, on a une Red 10 de Nintendo qui est comme une arcade assise à deux côtés avec deux écrans. Chez Arcade Montréal, on en a deux. Puis de temps en temps, Johnny Gratis, il nous met versus Castlevania dans la Red 10. Donc, c'était le même jeu que le gars à l'arcade quand j'étais petit. Et puis, ça me fait bien plaisir de finir ça avec une bière, là, ce beau Castlevania-là. Donc, des heures de plaisir. Donc, c'est ça. Versus Castlevania, Out of Orchard Beach m'a comme ramené encore plus dans la tête que c'est vrai que ce Castlevania-là existe au NES. J'avais vu la pochette, que je trouve encore à ce jour absolument magnifique. J'adorerais avoir une grosse image de ça. Juste l'illustration, là, tu sais, pas écrit Castlevania en haut ni rien. Juste l'œuvre de l'artiste, tu sais. Mettre ça sur mon mur encadré, ça serait magnifique. C'est même, je me disais, si je me fais faire un tatou à un moment donné, il y aurait peut-être ça quelque part, là, tu sais, ce visuel-là, d'une façon ou d'une autre. Plein de tatous. Fait que, mais toujours pas fait ces tatous-là, hein, parce que je trouve que c'est beaucoup d'argent. Puis j'ai comme trop la chienne de regretter. Fait que c'est ça. Quand je repasse au tatou que je pensais peut-être me faire quand j'étais au cégep ou à l'université, je suis comme, oh mon Dieu, une chance que j'ai rien fait de tout ça. c'est ce qui m'encourage à continuer de ne pas avoir de tatou. Les gens qui ont des tatous diront, voyons, on s'en calisse. Puis vous avez probablement raison. Donc, Castlevania 1 au NES, voilà. Belle pochette et tout. J'avais joué un peu. Cet univers-là m'intriguait. Je trouvais ça très intéressant, très difficile, mais la musique, le graphisme, tout, je trouvais ça très cool. Et puis, quelques années plus tard, je peux pas vraiment le dire dans le temps, j'ai été chez ma grand-mère à... Tiens, je vais revenir ici. Hein? Moi, j'avais une grand-mère qui était très gameuse, dans le fond. Elle a eu une NES. Elle avait une Atari. J'ai découvert l'Atari avec elle. Les jeux vidéo, grâce à elle, là, au sol, jouait à l'Atari. Et puis, elle a eu une NES très tôt. T'sais. Dès la sortie, elle a eu une NES. Beaucoup pour que nous, les petits-enfants, on s'amuse avec, mais elle aussi, elle jouait quand même pas mal. Puis, elle a eu une Game Boy aussi. Comme quand la Game Boy est sortie, elle s'est achetée une Game Boy, elle joue au Game Boy, elle joue à Tetris. Ma grand-mère était très gameuse, ce qui est très, très surprenant. À la télévision aussi, elle était dans le portrait un peu. Ses enfants, donc ma mère et ses sœurs et frères, tout le monde s'est grillé d'un télévision dans la famille. C'était très drôle. Fait que moi, quand j'allais à Thetford Mines, de là le gag de Thetford à Rétro Nouveau, je louais des jeux pour jouer à la NES au sous-sol de ma grand-mère. Et puis, c'est là qu'à un moment donné, j'ai vu que c'est ça, Simon's Quest, t'as écrit en petit en haut, Castlevania 2. Et puis là, je suis comme, wow, ça existe ça, c'est sorti ça, c'est un jeu, c'est donc bien intéressant. J'ai loué ça au club vidéo, et puis j'étais très content là, de... Tu sais, comme plus. J'étais un peu plus vieux, tu sais, puis j'étais comme ready là, à affronter l'univers Castlevania-esque, tu sais. Et puis, j'avais pas tant joué au premier, encore beaucoup, tu sais. Je l'avais pas loué à mon club vidéo. J'avais même pas de NES, en fait. J'allais jouer chez ma grand-mère. Moi, j'avais encore mon Atari à la maison. Ça a été très long avant que j'aie une NES. Fait que, oui, là, je pop Castlevania 2 là-dedans. Je suis comme, oh. La musique, la nuit qui tombe, tu sais, c'est mystérieux, c'est fucké, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Puis, j'étais pas fameux en anglais là, à cette époque-là, là, j'étais quand même jeune, tu sais. Je sais pas à quel âge, là, vraiment, bien sûr au primaire, mais j'étais pas en première année, mais j'étais pas en sixième non plus, là, sûrement. Fait que non, c'est comme tout le monde, bien sûr, je savais pas quoi faire. Je me promène, tu sais. Comment savoir dans ce temps-là, sans indication précise et en plus en anglais, qu'il faut que tu te mettes à genoux avec le cristal rouge sur le bord du lac, tu sais, pour pouvoir rentrer dans l'eau, ou qu'il faut que tu équipes le cœur sur le bateau pour que la madame qui te fait traverser le lac t'amène à une autre place, ou qu'il faut que tu t'agenouilles devant la falaise avec le cristal rouge pour qu'il y ait une tornade qui te transporte, tu sais. Comment tu veux savoir ça, là, vraiment? Hey, là, je suis désolé pour le gameplay, hein, c'est vraiment comme... j'ai pas regardé où est-ce que ça donnait. C'est juste un esti d'autre qui grind dans un village qui tue des zombies toute la nuit. C'est vraiment poche à regarder. Mais sachez que ça fait partie de la game aussi de grinder ce jeu-là parce qu'il fallait que tu ramasses de l'argent. Donc, des cœurs, ça servait d'argent là-dedans. Et puis, avec ça, t'achetais des power-ups, des skills et tout. Donc, c'était... J'ose pas dire RPG, mais il fallait quand même que tu ailles dans un village, que tu parles au monde, que tu ramasses des affaires, et puis que tu lises, que tu pètes des murs, que tu cherches, que tu fasses des mansions. Il y a quelques boss qui étaient quand même très moyens, là, on va se le dire. Là, Dracula lui-même, très moyen. Et puis, c'est ça. Mais j'adorais l'expérience, la musique. Pour vrai, moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas été fâché à l'époque de ce jeu-là parce que je savais pas quoi faire. Puis tout, je me suis dit, c'est juste moi qui vois pas bien, tu sais, ou okay, c'est moi qui est pas bon, tu sais, c'est moi qui connais pas l'anglais assez ou tout ça. Ça demeurait un jeu mystérieux pour moi. Mais très bon, tu sais. Puis ça l'a fait augmenter mon amour de la série Castlevania. Assez même pour que Noël suivant ou le Noël d'après que Castlevania 3 Dracula's Curse était disponible, que je le demande à Noël et on vient de changer pour Castlevania 3 parce que le jeu, la série avait fait ses preuves là, pour moi. Là. C'était définitivement un univers que j'aime, un gameplay que j'aime. Et puis, la thématique, Dracula, tout ça, les armes, les villages scrap, tout ça me plaisait au plus haut point. Et puis, Castlevania 3, souvent on me demande c'est quoi mes top meilleurs jeux vidéo of all time. Castlevania 3, Dracula's Curse, c'est définitivement là-dedans pour moi. C'est comme Castlevania 1. Donc, Castlevania 1, linéaire du début jusqu'à la fin, tu sais. Mais Castlevania 3, les niveaux sont linéaires, mais tu as des choix de chemin. Ta game peut être... Le chemin que tu prends pour te rendre jusqu'à la fin est différent de game en game. Là, bon, bien sûr, à force de jouer, tu essayes tout, tu choisis ton chemin préféré. Mais il y a ça. Et puis, c'était l'introduction aussi de nouveaux personnages. Donc, tu peux débloquer Grant Danasty, le petit pirate qui grimpe sur les murs. Sifa Belnades, que vous avez vu dans la série Castlevania. Et puis, pour la première fois, à l'écran, Alucard, donc Dracula à l'envers, fils de Dracula qui est en crise contre son père. Et puis, il faut aller le tuer. Alucard, il est vraiment pourri là-dedans, malheureusement. C'est vraiment pas le meilleur. Moi, il frappe pas fort. Et puis, il peut se transformer en chauve-souris pour voler, ce qui permet de skipper des segments de niveau très plates et très longs. Mais non, il est vraiment pourri. Là. Son arme fait pas assez mal. Je le déteste. Et puis, au début, j'haïssais Sifa aussi parce que je la trouvais faible et tout ça. Mais plus loin, soyez patient. Plus loin dans le jeu, elle pogne des magies qui gèlent les ennemis. Donc, un coup qui est gelé, un coup de baguette, puis c'est réglé, il est mort. Une genre de magie de balle homing ball là, qui suit les ennemis et tout ça, qui font très mal. Donc, très sous-estimé, Sifa. Mais sinon, Grant est vraiment plaisant là, à grimper partout sur les murs, tu sais, puis à passer à des places. Ça change le jeu, tu sais. Tu te dis, wow, je pense. Toute ta vie, tu as joué à Castlevania, puis tu as tout le temps juste pu sauter à hauteur de ton bonhomme, tu sais. Puis là, soudainement, tu as un personnage, Grant, puis qui peut grimper sur absolument toutes les surfaces existantes. Donc, c'était vraiment là, un wow là, dans le temps. Moi, je capotais bien raide. Graphisme incroyable pour l'époque. Excellente musique, vraiment. Un jeu tellement bon, long, complet. T'sais. C'est définitivement dans le top de mes Castlevania préférés. Là, on va se le dire. Et puis... pardon, une petite gorgée. Ouh, ça va être beaucoup de parlage seul, hein? Je me rends compte. Beaucoup de parlage. Ouais. Fait que c'était ça pour le NES, en fait. Et puis, mais à ce jour, j'ai fait Castlevania 2 dernièrement. Vous irez voir le groupe Facebook Finir des cassettes que j'ai fondé. Je l'ai refait. Je l'ai fait de temps en temps. Et puis, ça demeure une expérience vraiment le fun. Castlevania 1, pour moi, je l'ai fait tellement souvent, tu sais, que... Qu'en me forçant un petit peu, je pourrais le faire sans mourir. Et puis, mais c'est court pour moi, mais c'est tout le temps un fixe. Là, c'est un jeu que je fais quelques fois par année. Castlevania 3, c'est beaucoup plus gros. Mais une fois par année aussi, je le fais. Mais Castlevania 3, c'est ça. Pour moi, ça pétait tout. Là. C'était incroyable. Donc, excellent. Que du plaisir au NES. Fait que là, on est rendu au Game Boy. Et puis, on va commencer... On va y aller un petit peu à l'envers. On va commencer avec le... Il y a eu trois jeux de Castlevania au Game Boy original. Moi, quand j'avais demandé un Game Boy à Noël, puis continuant mon amour de la série Castlevania, j'avais demandé Castlevania 2 Belmont's Revenge que j'ai eu avec mon Game Boy. Là, on peut voir à l'écran présentement un feature intéressant de ce Castlevania-là. Tu choisis... Tu as quatre châteaux et puis tu choisis ton château à faire. Donc, le cristal, le plant... le Rock et le Cloud Castle. Et puis là, tu vois, il y a le Crystal Castle qui a été sélectionné. Tous différents. Gameplay, pour vrai, encore une fois... excusez, je rote. Ce Castlevania-là est définitivement l'un des meilleurs de la série pour ce qu'il est. T'sais, on est tous d'accord là, qu'il n'y a pas autant de power dans un jeu de Game Boy que dans un jeu de PlayStation. Là. Mais pour la force de la console, là, ce jeu-là, là, il est plein de stock, là, visuellement, la musique. Comme il y a des affaires qui clignotent partout, il y a du mouvement, pas de ralentissement trop. C'est tellement plein, ça exploite tellement bien le potentiel de la console. Et puis, vous allez être charmé, là, t'es vraiment dans Castlevania. C'est pas si difficile, quoi qu'il y ait un boss vraiment dur, là, plus tard, qui est en fait ton fils. Hein? C'est ça. C'est quoi les noms, donc? Je pense qu'on est Christopher, et puis t'as ton fils Soleilou, quelque chose de même, qu'il faut que tu combattes. Très difficile. Sinon, après Dracula, ben, c'est juste du par cœur, là, c'est pas si mal. Fait que c'est ça. Donc, moi j'ai eu ça, là, comme premier jeu de Game Boy, et puis, man, j'ai adoré, là. La pochette est incroyable aussi. Là. C'est du bon Tom Dubois qui avait fait aussi Castlevania 3, qui a fait la pochette de ce Castlevania aussi. Et puis, qui aura fait d'autres pochettes plus tard dont je vais parler. Fait que non, c'est très complet pour moi. C'est très complet. Mon ami Étienne, lui, de son côté, a eu Castlevania 1, donc Castlevania Adventure au Game Boy, que lorsque je l'ai essayé, j'ai dit « Ah, ouais, la musique, hein, malade! » Regardez les montagnes en arrière, là, ceux qui sont en vidéo. C'est pas mal le même modèle que Castlevania 2 Simon's Quest au NES. Et puis, tu sais, visuellement, c'est ça coche. La musique était excellente aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Par contre, le personnage, il marche lentement, là. Le jeu, il est au ralenti, là. C'est... Oh. Puis quand tu sautes, il retombe tellement vite. Il retombe sec. Surtout, là, j'ai choisi ce segment-là pour ça. Là. Regardez comment c'est pas agréable. Puis souvent, dans le jeu, il faut que tu plateformes de même. Il faut que tu fasses un pas pour être sur le bord de la corniche avant de sauter, sinon tu tombes dans le trou. Il y a plein de ça tout le long du jeu. Ça peut devenir très désagréable. Mais c'est définitivement un des Castlevania les plus difficiles. Pour vrai, là, moi, je de par sa lenteur, tu sais, puis il est sluggish. C'est vraiment pas évident à jouer, là. Puis là, on voit, t'as trois power-ups. Puis à chaque fois que t'as deux power-ups, en fait. T'as tu commences avec ta soie dentaire. Après ça, tu upgrades pour un fouet un peu plus long. Puis après ça, ton fouet te lance une balle de feu. Dans Castlevania 2 aussi. Mais dans Castlevania 1, quand tu te fais toucher, tu perds un power. Attends, ça le fait-tu dans le 2? Là? Je me rappelle plus. Mais en tout cas, quand tu te fais toucher, tu downgrade. Ton fouet est downgrade. Tu sais, quel délire, est-ce, à quoi il pensait, ce monde-là? Là, vous voyez comment c'est slow. Là, tu commences le niveau, trois chauves-souris d'en face. En plus, ces maudites affaires-là, c'est pas tuable. Non, c'est un Castlevania pas évident, pour vrai. Et puis, je ne l'ai pas en gameplay, puis je vais le mentionner. Mais la série Rebirth de Konami, puis il y a eu Castlevania The Adventure Rebirth. Donc, ça se voulait se baser un peu là-dessus. Il y a des choses basées là-dessus. Ton fouet, ta balle de feu, des ennemis, les gros yeux qui roulent. Mais pour être franc, là, c'est un autre jeu complètement. Là. C'est pas du tout pareil. Puis, c'est très bon, hein, Castlevania The Adventure Rebirth. Si vous avez une Wii et vous avez un moyen de jouer à ça, ça le fait très bien. Troisième et dernier jeu de Game Boy, Castlevania Legend, donc avec la délicieuse Sonia Belmont, qui serait la mère de Simon, qui serait le seul, qui serait selon IGA, la personne qui a travaillé beaucoup, c'est-tu IGA? Qui a travaillé beaucoup sur les Castlevania. Le seul Castlevania qu'il considère pas dans la série, puis qui serait comme un outsider, parce qu'il était pas pour ce jeu-là. Là. C'est quoi IGA, là? Son Igarashi. Koji Igarashi, IGA. Celui qui travaillait sur les Castlevania qui sont devenus... sur les Castlevania qui étaient des Metroidvania, là, ce style-là. Là, puis qui a fait, après ça, Bloodstained et tout. Donc, ce grand héros. Lui, il aimait pas Legion, à ce qui paraît. Si c'est bien lui, hein? J'espère que je dis pas de la merde. Mais vu que je suis seul, j'ai pas le temps de regarder sur Google. Mais, oh, il y a un pénis qui vient de sortir de la terre. Fait que, ouais. Donc, celui-là, il serait un peu hors du loop des Castlevania. Mais il joue beaucoup comme Castlevania Belmont's Revenge. Je le trouve moins beau quand même. Et puis, c'est ça. C'est le seul Castlevania avec une femme, t'sais, avec une Belmont, avec un fouet. Paraîtrait que celui qui était pour avoir au Dreamcast avait aussi une femme comme héroïne principale, qui devait être une Belmont, mais ce jeu n'a jamais vu le jour. Mais le prototype a été dompé, alors vous pouvez le télécharger ou trouver des façons d'y jouer, là, ça se peut. Et puis, pas grand-chose à dire par rapport à Castlevania Legend. Moi, c'est bien sûr, c'est un jeu auquel j'ai joué très tard, là, quand je collectionnais, là, tu sais, je collectionne, j'adore Castlevania, il y a ce jeu-là qui existe, c'est donc bien cher, 80$, mais je vais me le pogner, c'est quand j'ai commencé à collectionner, tu sais, puis c'était ça, ces prix-là, dans ce temps-là, donc c'était un autre monde, et puis j'y ai joué, je trouvais pas ça si hot. Il y a des affaires à ramasser dans les niveaux aussi que si tu les ramasses pas, ça fait autre chose. Je me rappelle pas trop. Mais là, je vais juste fouiller sur Price Charting. Je vais trouver le prix. Alors, Castlevania Legends. Cartouche seulement. On est à 250$ environ. Complet dans sa boîte, facilement 1000$ à mon avis. Donc, un jeu qui est sorti tard aussi, qui était Super Game Boy Enhance. Donc, c'est ça. C'est sorti tard, ça a passé dans le beurre. Et puis, c'est pas... c'est ça. Peu de monde y ont joué parce qu'il est cher. Hein. C'est un jeu que tout le monde a découvert ben plus tard. Alucard est dedans aussi. Tu l'affrontes à un moment donné. Le sprite. Pas le sprite, là, mais il apparaît une boîte de dialogue dans laquelle il parle. C'est très beau. La pochette est pas faite par Tom Dubois. Non, il me semble que non, c'est pas son style. Fait que c'est ça, Castlevania qui a passé dans le beurre. Bon jeu quand même, définitivement meilleur que le premier, mais pas spectaculaire. Mais définitivement un beau jeu à avoir dans sa collection par contre. Fait que terminé pour le Game Boy, maintenant on s'en va au Super Nintendo. Et puis on va parler de Super Castlevania 4, que c'est aussi un jeu. Que quand j'ai eu ma Super Nintendo, je voulais avoir un Castlevania, absolument. Puis c'est le seul qu'il y avait dans ce temps-là, parce que Castlevania, puis j'aimais encore ça. J'ai tout le temps aimé ça. À partir de ce moment, à partir du moment que j'ai découvert que Castlevania existait, chaque console que j'ai acquise, j'ai tout le temps eu un Castlevania, tu sais, dans mes premiers jeux, où il y a même des consoles que j'ai achetées pour pouvoir jouer à Castlevania. Je vais y revenir plus tard. Au nouveau Castlevania qui sortait. Sinon, c'est sûr là, que j'allais me pogner Castlevania sur chaque console que je possède. Et puis, Super Castlevania 4 était un presque launch title, il me semble. C'est sorti très au début de la console. Très différent. Ben, c'est pas différent, c'était encore fouetté puis monter les marches. Mais le personnage, il est grand, tu sais. Et puis, tu pouvais contrôler ton saut, genre en bougeant dans les airs. Ça, c'était assez nouveau. Tu peux fouetter dans plusieurs directions. Tu peux garder ton doigt sur le bouton. Là, ton fouet, il devient comme... Il pend. Puis là, tu peux le secouer. J'utilise ça pour bloquer des balles et puis des affaires de même. Très utile. Vous voyez présentement à l'écran le niveau où est-ce qu'il y a des gros chandeliers géants qui se balancent. C'était incroyable, ça, dans le temps. Moi, quand je suis arrivé là, je capotais, là, tu sais. Puis il y a un gros, un bout de niveau aussi en mode 7, comme si t'étais dans un tube qui tourne autour de toi, une affaire fuckée. Non, ce Castlevania-là, il mettait des feux d'artifice, là, vraiment. C'était assez spécial, mais j'ai tout apprécié, tout ça, tu sais. C'est pas un Castlevania difficile, il y a vraiment juste plus un ou deux niveaux vers la fin que j'ai de la difficulté. Mais sinon, là, c'est somme toute assez facile. Dracula, assez cheap à la fin. Il n'y a pas d'autres personnages. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment... Il n'y a même pas de dialogue avec qui que ce soit. C'est toi qui va se battre. C'est Simon, encore une fois. Faut les dire, les noms, hein, d'ailleurs. C'est vrai. Je vais essayer de nommer les noms un peu. On va le dire comme il faut. Pour Castlevania 1 et 2 au NES, c'est Simon. Pour Castlevania 3, c'est Trevor. Si vous avez écouté la série Castlevania sur Netflix, vous connaissez Trevor. Et Trevor, on va en revenir tantôt. On va y revenir tantôt au PlayStation 2. Pour Super Castlevania 4, c'est Simon, encore une fois. Je pense que ce jeu-là, ça voulait être un genre de remake de Castlevania 1 ou bien un hommage, mais c'est pas pareil du tout. Il y a le premier niveau de Castlevania 1 qui est repris dans Castlevania 4 vers la fin. Très joliment repris, d'ailleurs. Très le fun. Et puis, c'est tout. Sinon, je trouve qu'il n'y a pas de lien vraiment avec Castlevania, le premier. Mais il y a du monde qui n'aime pas ce jeu-là, qui trouve que c'est weird. Moi, je l'aime beaucoup. Gameplay, musique, tout. Je veux dire, c'est un très bon jeu vidéo, là, tu sais, vraiment. Et puis le deuxième et dernier Castlevania qui existe au Super Nintendo, il s'agit de Dracula X, jeu que j'ai joué encore une fois. J'avais jamais joué au Super NES dans le temps quand j'avais une Super NES. J'ai pu jouer à ce jeu-là lorsque... Hey, ça fait longtemps. Je pense que c'est en 2000, 2001, quelque chose comme ça. Quand je retournais en Beauce l'été pour travailler à l'usine, on avait eu des retrouvailles du secondaire. Et puis, j'avais refait la connaissance d'une fille avec qui j'étais allé au secondaire. Et puis, finalement, on s'est comme accoquiné. Et puis, on a passé l'été ensemble avant que je retourne à Montréal. Très bel été. Et puis, elle avait un Super NES. Puis, elle habitait à Sainte-Marie-de-Beauce. T'sais. Et puis, à Sainte-Marie-de-Beauce, il y avait encore un club vidéo. Puis, on était allé pour se louer un film. Puis, il y avait encore des jeux de Super NES dans le club vidéo, tu sais. Fait qu'on se loue un film, je suis comme, oh my God, Castlevania Dracula X. Il y avait ça à louer dans le club vidéo. Puis je me rappelle, je savais que ça existait pour en avoir vu un peu quelque part dans un Nintendo Power, mais tu sais, j'avais vu l'image du cover, mais rien d'autre. Je savais pas ce que c'était, cette chose-là, tu sais. Puis j'étais plus tant dans les jeux vidéo non plus à cette époque-là. Mais quand j'ai vu ça, je suis comme, ben certainement, il faut que j'essaye ce jeu-là. Fait qu'on l'avait loué, puis j'avais joué chez elle. Mais j'avais pas joué longtemps, tu sais. Parce que, bon, je voulais pas l'emmerder avec ça, là. Tu sais, j'étais comme gêné de jouer à des jeux vidéo à cette époque-là, un peu, là. Mais je jouais même pas tant que ça, là, mais, tu sais... On était pas là pour ça, là. Elle riait pas de moi, là, mais tu sais, je voulais pas que passer la soirée là-dessus. Mais c'est comme ça que j'ai pu y jouer, donc beaucoup plus tard. Et puis là, vous voyez le premier niveau ici avec Rector qui fouette, le feu, la grosse bébite qui te suit en arrière. Visuellement, c'est vraiment, vraiment beau. Musicalement aussi. Là, c'est Rector Belmont, donc dans l'histoire des Castlevania, on est plus tard maintenant. Et puis, personnage bleu, tu sais, il pouvait faire un saut arrière. Moins de contrôle que dans Castlevania 4, mais plus de contrôle que d'un Castlevania régulier, mettons, si je peux dire. Puis, la musique, c'est vraiment quelque chose. Je savais pas à cette époque-là que ce jeu-là était un variant de Rondo of Blood, tu sais. Parce que je savais même pas que Rondo of Blood existait, anyway, parce que je savais même pas qu'un PC Engine, ça existait non plus. Je savais rien de tout ça. Tout ce que je voyais, c'était Castlevania au Super Nintendo, différent, tu sais. Fait que j'étais bien impressionné, mais c'est tout ce que j'ai pu faire de ce jeu-là à l'époque. Et puis, j'ai pas rejoué à ça jusqu'à ce que, effectivement, je devienne collectionneur tant d'années plus tard. Et puis, que je me le procure, là, sur eBay, pas cher, ben cher à l'époque. Puis, j'ai upgradé tout ça avec le temps, bien sûr. Et puis, j'ai pris le temps de le faire. Bien, of course, je fais tous les Castlevania. Puis, pas facile, hein? Il y a des chemins aussi à choisir là-dedans. Tu libères la fille, comment elle s'appelle, Maria. Et puis, il faut que tu gardes la clé. tu te rends jusqu'à elle, puis il y a une section de niveau que tu tombes dans le trou, tu sais, ça t'amène dans un chemin alternatif, puis tu pourras jamais la libérer. Fait que c'est une fin différente. Alors, c'est pas une fin que tu choisis, c'est comme une fin que soit que tu fuckes tes affaires en tombant dans le trou, puis t'as pas le choix, tu sais, fait que c'est un peu plate. Donc, sauf, prenez votre password juste avant ce niveau-là, et puis recommencez au besoin pour avoir la fin que vous voulez. Mais, ouais, j'aimais un peu moins ça, tu sais, qu'on puisse pas revenir, ou que, ah ben, ça va être ça, ma game, coudon, j'ai raté ça. Mais, très difficile, et puis Dracula, à la fin, vraiment, très difficile, il est sur des piliers, puis il faut que tu sautes continuellement de pilier en pilier. C'est pas agréable du tout, là. C'est un des pires Dracula à faire, là, je vous le jure. Pas le fun. Juste prendre un petit respire. Ah, OK. Maintenant, donc on y va en ordre chronologique de console pour moi. Game Boy Advance, quand je disais que je voulais des consoles juste pour pouvoir jouer à Castlevania, ma blonde m'a acheté une Game Boy Advance SP 101 à Noël, donc le dernier modèle. Tu vois, je me foutais bien de la Game Boy Advance, mais je voulais jouer à Circle of the Moon, qui est le premier Castlevania sur Game Boy Advance. Là, j'ai pas joué dernièrement au Castlevania Game Boy Advance, là. Tu sais, comme, je me demande même si je les ai refaites. Si Circle of the Moon, je l'ai déjà refait suite à l'avoir fini dans le temps, tu sais. Fait que je peux pas vraiment vous dire, là, les grandes particularités de ça. Je me rappelle même plus c'est quoi là-dedans, comment on pogne les magies et tout ça. Mais les trois Castlevania de DS, voyons, de Game Boy Advance et de DS ensuite, dont je vais parler, sont tous des Metroidvania. Donc, c'est fini le niveau par niveau. C'est pareil comme dans Symphony of the Night. La map, quand tu payes sur Select, les chemins que tu débloques, il y a même des ennemis qui reviennent, qui ressemblent aux autres. Donc, Circle of the Moon, c'est un Symphony of the Night clone à la hauteur du Game Boy Advance. Pour le reste, pour être franc, je suis vraiment désolé, je me rappelle pas de rien d'autre. Mais, tu pognes... Aïe, j'aurais dû... on va revenir, c'est-t-il. Les autres sont trop pareils. On va aller au PlayStation 1 dès maintenant. Parler de Symphony of the Night alors, parce que je me rends compte que toutes les autres sont basées dessus. Symphony of... Hey, là, je suis mélangé dans mes époques, hein. J'ai-tu joué à Symphony of the Night avant d'avoir un Game Boy Advance? Je m'en rappelle plus. Mais Symphony of the Night, donc, et... Ah non, on revient encore. On parle pas tout de suite de Symphony of the Night. On s'en va au PC Engine. On va faire les affaires raccord. Au PC Engine... console japonaise. Et puis, on va mettre Rondo of Blood. Rondo of Blood, tantôt je parlais de Dracula X au Super Nintendo. Donc, c'est une version nord-américaine de Rondo of Blood. Mais le jeu est quand même différent. T'sais. C'est Richter. La pochette est la même. T'sais, tout est... Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Et puis, Rondo, Dracula X est moins bien balancé. Rondo est vraiment plus complet. Il y a des cutscenes, comme on voit présentement, parce que c'était sur un support CD. Alors, il en mettait. En veux-tu, en veux-là. T'en voulais pas, t'en as pareil. Et puis, c'est ça qui va être ça avec toi, mon pit. Donc, c'est ça que c'était. Moi, j'ai joué à Rondo of Blood la première fois de ma vie sur Wii. Parce que le jeu était disponible en WiiWare. Là, tu pouvais le télécharger sur le store. Donc, j'ai téléchargé ça, j'ai fait ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et j'ai réalisé que c'était comme Dracula X, mais avec des chemins mieux faits. T'sais. Un gameplay plus complet. Tout est plus complet. T'sais. C'est linéaire, encore une fois. On n'était pas encore à Symphony of the Night. Mais c'est une belle aventure complète de niveau linéaire avec des choix de niveau. T'es tout le temps Richter, par contre, il n'y a pas d'autres personnages. C'est bien correct aussi. Et puis, la musique, tout. C'est un des meilleurs, sinon le meilleur Castlevania. C'est en même temps. C'est tellement dur à dire. Il y en a tellement beaucoup des Castlevania. Mais s'il y en a un de complet, puis d'intéressant, puis de le fun, c'est bien lui, là. T'sais, il est bien bâti. Il est très, très bon. Et puis, vous ne pouviez pas y jouer parce que vous n'aviez pas ce qu'il fallait. Mais maintenant, vous pouvez, si vous avez une PS4, Castlevania Requiem. C'est ça qu'on dit, ou Requiem, je ne sais pas comment le dire. Donc, c'est là-dessus. Vous pouvez jouer à ce Castlevania-là sur PS4. Vous pouvez jouer à Rondo aussi sur PSP. Et puis, en forme originale, PC Engine, bien sûr. Et en Wii, si vous l'avez téléchargé. Et puis, quoi d'autre? Y en a-t-il d'autres façons? Pas à ce que je sache. Mais essayez-le, pour vrai. Ça vaut vraiment la peine. Jeu très complet. Et puis, c'est ce qui nous amène ensuite au grand, grand, grand classique, Symphony of the Night. Je voulais en parler dans cet ordre-là, parce que quand tu commences Symphony of the Night, chose que je ne savais pas à l'époque, il y a comme un segment où est-ce que tu bats Dracula tout de suite au début et que tu es Richter. Puis là, c'est comme Richter, puis Dracula qui s'envoie chier, puis il faut que tu le tues, puis là, c'est comme une vieille mémoire, puis ça finit de même, tu sais. Là, je suis comme « Hein? » Mais c'est la fin d'un autre Castlevania, ça, que je connais pas, que je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ouais, c'est ça. Puis j'avais jamais joué à Dracula X dans le temps que j'avais joué à Symphony of the Night, bien sûr. Fait que j'ai joué à Dracula X bien plus tard, puis à Rondo of Blood encore plus tard. Fait que quand j'ai joué à Symphony of the Night, pour la première fois, j'ai vu cette fin-là, tu te... bonhomme Belmont bleu là, que je savais pas que c'était Richter, puis je savais pas qu'est-ce qui se passait, puis ça venait de où. Donc j'étais très intrigué. Maintenant je sais que Symphony of the Night est la suite de Rondo of Blood, et puis c'est fascinant de voir la récupération de sprites et d'ennemis qui ont pris dans Rondo puis qu'ils ont ajouté là-dedans, mais ils en ont ajouté encore là, des tonnes et des tonnes et des tonnes. Fait que si je suis revenu aussi parler de Symphony of the Night tout de suite avant de parler des autres sur DS et tout, c'est parce que c'est ce jeu-là qui a lancé le style Metroidvania pour la série Castlevania. Donc, pour les jeux d'aventure comme ça, que t'avances, puis là, tu frappes un mur, je vais revenir plus tard quand je vais être plus fort. OK, là, je vais aller là. Ah, je peux débloquer là, je peux me promener, puis tu développes, tu découvres la map comme ça. C'est le style communément appelé Metroidvania. Parce que Super Metroid et Castlevania Symphony of the Night sont des bons exemples de jeux qui ont fait ça. Fait que c'est de là que ça vient. Mais Symphony of the Night, je sais pas, moi je le trouve plus Metroidvania que Super Metroid. Mais moi, c'est quand même là, exactement le même style. Mais il y en a du stock dans Symphony of the Night. Des personnages, un gros château au complet. Là, tu peux le finir drette là. Mais là, si t'équipes une autre affaire que tu rencontres, tu peux le finir autrement. Et puis là, l'aventure se double. Et puis ça devient toute une autre aventure. Et puis, bon, je vais vous le dire, là, dans le fond, c'est tu fais le château inversé. Donc, au début, tu fais le château. Et un coup que tu as fini le château, là, tu tues le boss avec... si tu as équipé le truc, tu vas voir que tu peux le tuer autrement. Puis là, tu refais l'aventure, mais le château, il est viré à l'envers. Donc, très intéressant. Ils ont fait ça aussi sûrement pour sauver de l'espace dans le jeu, pour pas faire un jeu trop long. Ce qui est pas fou. Puis ça fonctionne très bien, pour être franc. Puis les ennemis qui droppent des items, que tu équipes, que tu gères un inventaire, tu sais. C'est très... c'était nouveau pour la série dans ce temps-là. Et puis, tu équipes tes deux... des armes dans les deux mains. T'as de la bouffe, t'as des reliques, t'as des potions, t'as 10 000 à faire. Tu peux te débarrasser de ça. Puis là, tu vas vouloir... T'as un bestiaire qui te dit... t'as tué tel ennemi, t'as pas réussi à avoir les deux drops de cet ennemi-là. Cet ennemi-là, il te donne telle épée ou bien il te donne une cuisse de poulet, tu sais. Fait que là, vous allez vous retrouver à comme rentrer, sortir des pièces pour tuer cet ennemi-là 1000 fois jusqu'à ce que finalement il drop son épée rare que lui seul peut te donner. Là, je parle du dodo là, qui donne la rune sword, là, justement. Donc, vous allez vouloir grinder pour monter de niveau et puis équiper des armes très efficaces. Il y a de la magie aussi que j'utilisais un peu. Écoute, vous connaissez, c'est tellement complet, c'est tellement bon. Moi, j'ai joué à ça, là, à côté, tu sais. Puis, j'avais pas Internet dans le temps. J'avais réussi à trouver des images là, du château complété, je pense à 200 quelques pourcents pour le compléter au complet. C'était vraiment quelque chose, là, tu sais. J'ai beaucoup joué à ça au lieu de travailler sur mes projets d'école dans le temps. Mais puis dernièrement, j'ai fait un setup de pauvre aussi. Où est-ce que je voulais jouer à Blaster Master au PlayStation 1, vous m'avez vu. Et puis c'était pourri que le Christ. J'ai joué genre 5 minutes puis je voulais me tuer. Fait que j'ai juste popé Symphony of the Night comme ça pour le fun dans la machine. Puis j'étais reparti, là, tu sais. Gameplay très, très, très addictif. Et qui a mis la table là, pour plusieurs autres Castlevania. Tant qu'à être dans le PlayStation 1, je vais parler de l'autre jeu de Castlevania qu'il y a eu au PlayStation 1. Castlevania Chronicles, qui est un jeu, ma foi, même pas si connu. Hein? Je me rends compte, il y a bien du monde qui ne savent pas qu'il y a ça. Et puis, c'est un jeu qui reprend... Ah, quel jeu, donc! Excusez, là, encore une fois, je ne peux pas faire de recherche pendant que je vous parle, ça va être trop long. Mais qui reprend le il y a un Castlevania qui est sorti sur un genre de micro-ordinateur console japonaise, là. C'est un chiffre, là, le MX-1000, 8000, machin. Fait qu'il y a eu un Castlevania là-dessus. Puis Castlevania Chronicles, sorti au PlayStation 1 en Amérique du Nord, reprend ce jeu-là. Et il refait aussi, il me semble que c'est ça, une version de ce jeu-là. Donc, je pense qu'il le reprend un pour un. Puis il le reprend aussi en version améliorée. Là, c'est ça. Un titre fucké, vraiment. Et puis, je pense que ça serait Simon là-dedans aussi, vu que ça se veut basé sur Castlevania 1. Linéaire, très, très, très basic. Pas super beau, à mon avis. Que j'ai pas fait souvent. Hein. Je l'ai juste fini deux fois, ce jeu-là. Peut-être que je serais dû pour y redonner une go. Mais j'ai pas découvert ça dans le temps que je jouais à la PlayStation. Pas du tout. J'ai découvert ça en tant que collectionneur, bien des années plus tard. Fait que c'est un jeu qui a pris une certaine valeur et puis très en demande, qui est intéressant, mais il faut aimer la série. T'sais. Si tu cherches un bon jeu, c'est pas nécessairement lui, mais si tu aimes la série et que tu veux vraiment toutes les essayer, c'est bien correct, là, achète-toi ça. C'est un classique Castlevania. Tu peux pas vraiment te tromper avec ça, là. Donc là, on va revenir au Castlevania, au Game Boy Advance, parce qu'ils étaient tous basés sur Symphony of the Night. Fait qu'il fallait que j'y revienne. J'ai parlé de Circle tantôt. Là, je vais parler de Harmony of Dissonance, qui est un titre, ma foi, un peu con. Tellement un gros nom. Et puis qui met en vedette un copain qui s'appelle Julius Belmont, il me semble, hein? Oui, monsieur. Et puis, c'est un Castlevania Symphony of the Night-esque, mais comme très simple. C'est le plus simple des trois. Il y a moins de stock. Encore une fois, j'ai joué à ça il y a tellement longtemps. Puis là, regarde, au niveau du gameplay, c'est pas si le fun à regarder parce que le gars, il fait juste dasher en malade. Justement, ce jeu-là, le dash fait que tu fais juste dasher continuellement. Fait que c'est ça. Un Castlevania qui laisse pas vraiment de souvenirs, tu sais, c'est pas spécial, il y a moins de stock à ramasser que dans les autres. Et je me rappelle plus, là, les boss, je me rappelle pratiquement de rien, j'ai pas bien joué à ce jeu-là, mais définitivement moins de choses à faire dans celui-là que juste avancer puis faire ça au plus vite. Assez inoubliable. Mais tu sais, si vous êtes comme moi, vous voulez quand même toutes les Castlevania sur toutes les consoles, alors ça vous le prend. Et c'est quand même pas commun du tout, là, tu sais. Et le troisième et dernier sur Game Boy Advance, il s'agit de Castlevania Area of Sorrow, qui met en vedette un copain qui s'appelle Soma Cruz. Donc, un Castlevania qui se passe dans plus récemment. Il y a des fusils là-dedans. Pas trop, mais il y en a. Et puis, ouais, là, ce qu'il y a de le fun là-dedans, c'est que quand tu tues des ennemis, tu peux attraper leur skill. Puis là, tu équipes les skills des ennemis. Et puis, ça peut être très intéressant, là. Beaucoup d'armes à ramasser, beaucoup de stock. T'as encore un bestiaire avec voir c'est quoi les skills que les ennemis te donnent. Donc, très cool. Il y a beaucoup de personnages. Il y a des personnages quand même un peu plus dans le jeu-là. Et puis dans le prochain opus que je vais parler après, il y en a encore bien plus que ça. Mais définitivement, Area of Sorrow est pour moi le plus agréable des trois. Et puis dans les Castlevania en général que j'avais grandement apprécié, pour vrai, Symphony of the Night, c'est le classique, mais celui-là, il reprend bien tout ça, là, puis c'est très complet. Donc, ça vaut vraiment la peine. Il existe au Game Boy Advance aussi un double pack de Castlevania qui contient Harmony of Dissonance et Area of Sorrow. Donc, ça vaut la peine là, d'avoir ça aussi. Ça vous coûte moins cher d'avoir juste une cassette au lieu de deux, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Et maintenant, on s'en va au Nintendo DS avec le premier opus qui est Dawn of Sorrow, qui est vraiment la suite là, de Area of Sorrow, donc Dawn of Sorrow. Mon ami Fred Gemus m'a appris qu'il y a beaucoup de jeux au DS qui ont leur titre pour que les lettres du titre, ça fasse DS, tu sais, comme Dawn of Sorrow, justement. Il y en a plein d'autres que c'est pour ça, qui ont un titre qui avec les initiales DS, donc je trouvais ça très intéressant. DS pour Dual Screen, en passant. Donc, voilà. Et puis, Scary of Sorrow fait de bien. Dawn of Sorrow le fait très bien aussi et en rajoute. C'est plus complet, c'est plus beau. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Grosse map. C'est vraiment très, très bien. Il y a un bel monde là-dedans aussi. J'ai oublié son nom. Et puis, il est assez laid. Puis, il me tape ses nerfs. Puis, j'espère qu'il est mort assez rapidement. Pas un bel mot que j'aime bien, bien. Mais ils en ont mis un, là, tu sais. Oups, excusez, je check un message. Ah. Et puis, ils en ont mis un, et puis il est là avec plein d'autres bonhommes. Moi, je m'en fous un peu de tout ça, pour être franc, mais bon, ils respectent un peu, là. Ils mettent du crémage, là, tu sais. Le deuxième Castlevania ODS, Portrait of Rune. J'ai joué à ça alors que mon premier garçon était un bébé. Et puis, il était rendu un bébé de 10 mois, 11 mois. Et puis, moi et ma conjointe, on n'en pouvait plus. Il faisait pas ses nuits. C'était atroce, là, tu sais. On était fatigués. Fait que j'ai décidé d'appliquer le fameux 5-10-15. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont jamais entendu parler de ça, le 5-10-15 consiste à... Allez, ton enfant braille dans la nuit. Là, t'arrêtes les laits, t'arrêtes de donner des laits, puis tout ça. Tu vas le voir, tu le prends, tu le consoles un peu, et puis tu le calmes un peu, pas trop longtemps, puis tu le remets dans le lit. Là, il va recommencer à brailler. Fait que là, t'attends 15 minutes. Tu le laisses brailler 15 minutes. Et puis, après ça, tu retournes le voir, s'il pleure encore. Là, tu le calmes un peu, tout ça, tu le redéposes. Puis là, tu le laisses brailler 10 autres minutes. Et puis là, c'est... part à brailler encore, ben après 10 minutes, tu retournes le monde, là, tu le calmes, tu sais. Puis habituellement, il est pas mal endormi, là. Puis tu répètes, là, tu sais. Et puis, il va finir par se calmer puis s'endormir. Et puis, j'ai fait ça pendant, quoi, 2-3 nuits. Et c'était terminé. Mon enfant a finalement fait ses nuits. Mais pendant les minutes qu'il fallait que j'attende pendant qu'il braille, moi, je jouais à Castlevania Portrait of Rune. Fait que tout ce jeu-là va être dans ma tête pour toujours. le jeu du 5-10-15. Fait que j'ai passé bien du temps la nuit à faire ça. Donc, ce jeu-là est intéressant parce que c'est Jonathan Morris, le fils de j'ai oublié son prénom, Morris au Genesis. Hey, je l'ai même pas. Il n'y aurait pas de jeu de Genesis dans mon line-up. Je suis complètement désolé. Parce que c'est pas un jeu qui m'a vraiment accroché, puis voilà, mais qui est très bon. Mais il y a un Morris, dont j'ai oublié le prénom, au Genesis, et puis il y a Eric Lecard, qui est un personnage... Tu peux choisir entre les deux. Et puis Eric Lecard, il y a une spear, il y a une lance. Donc c'est très intéressant. Puis là-dedans, dans Portrait of Rune, tu es le fils du Morris au Genesis. Donc ça, c'est très cool. Et puis, tu rencontres le spectre, le fantôme de Eric Lecard aussi, qui te donne des conseils. Donc ça, c'est quand même bien fait. Et puis, tu peux choisir un personnage féminin aussi, il me semble, de Portrait of Rune. Ah non, la gimmick, c'est que tu peux brancher tes deux DS ensemble puis jouer les deux en même temps, ensemble. Chose que je n'ai jamais faite parce que j'avais pas d'amis, puis mes amis jouaient pas à ça, ou j'ai jamais joué avec du monde à la DS. Là. J'étais tout seul à jouer à la DS. Et puis, tu rentres dans des portraits, de là, le Portrait of Rune, et puis, ben, tu fais ton Symphony of the Night, là, comme d'habitude, là, même affaire. Donc, c'est pas un jeu qui m'a... C'est un bon jeu, mais j'ai jamais tant capoté. Là, ça fait la job. Là. C'est bien convenable, là, en toute honnêteté. Puis ça fait longtemps que j'ai joué aussi, là, fait que je peux pas vraiment vous dire. Mais très beau, puis efficace. Sinon... Ah, il y avait comme un drôle de son, excusez-moi. Troisième et dernier jeu de Castlevania sur DS, Order of... Oups, excusez, il y a comme un son. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais pas. Pas au courant des sons qui se passent ici en enregistrant, désolé. Donc, Order of Ecclesia qui introduit un personnage féminin dont j'ai déjà oublié le nom. Comment elle s'appelle, donc? Ah, je m'en rappelle plus. Mais ben, hot. Et puis, très puissante aussi, de la magie en masse puis tout. Sur DS, j'avais pratiquement pas de jeu, mais j'avais les Castlevania, tu sais. J'en ai pas eu bien. J'ai acheté des jeux par après. Mais ça, c'est un Castlevania que j'avais eu à Noël dès sa sortie. Puis d'ailleurs, je vais regarder les prix. Je pense que ça a pris bien de la valeur, ça. Ecclesia. Order of Ecclesia. Comment ça vaut ça, les amis? Complet dans sa boîte. 160. Mais c'est quand même de l'argent pour un jeu de DS de Castlevania qui se veut quand même un peu commun. Mais très bon aussi. Ça m'avait pas fait capoter dans le temps. Puis je trouve que, tu sais, là, il y a de moins en moins de Belmont là, dans ces Castlevania-là sur DS. Là. Puis moi, pas d'accord. Je veux mes Belmont. Bon, il y en a peut-être un quelque part là, où genre il est mort, puis on vient d'une place de whatever, là, tu sais. Mais j'aimais la personnage principal. Je trouvais que c'est une belle introduction. Et puis, ah ben, je parlais de personnage féminin de Castlevania, en voulant une. Ah, je suis désolé, là, j'ai vraiment oublié son nom. J'ai pas pensé à re-regarder ça. Mais je me souviens putain de ce Castlevania-là non plus, de ses points forts, de ses points plus faibles, parce que ça fait définitivement trop longtemps. Mais je me rends compte, il va falloir que je réessaye ça. Tout, parce qu'on se plaint, hein, tout le monde, qu'il n'y a plus de Castlevania, mais tous ces jeux-là sont encore là. Vous pouvez y jouer, là. Ils sont tous existants. Fait que, ouais. Mais, désolé, je... je manque de souvenirs. Je manque de souvenirs pour ce Castlevania-là. Alors, on va revenir. Elle s'appelle Shanoa, en fait, maintenant que j'y pense. Donc, cette personnage-là, qui est quand même très cool. Et puis, il y a eu un jeu, à un moment donné, sur 360, qui s'appelait Harmony of Despair, il me semble. Qui est, comme tu peux choisir des personnages, dont Shanoa, dont plein de personnages de la série Castlevania. T'es comme dans un grand niveau, puis tout le monde se promène dedans, puis faut qu'il se rende au point principal. Comme un genre de, pas un puzzle, mais un labyrinthe, tu sais. Une drôle de chose que j'avais essayé un peu chez mon beau-frère, puis que j'avais pas apprécié Oups, excusez, j'ai accroché le micro. Que j'avais pas apprécié du tout. Donc, ouais, je me rappelle qu'elle figure aussi là-dedans. Mais sinon, non. C'est la seule place que je me souviens d'elle. Donc, on s'en va maintenant au PlayStation 2. Avec le premier jeu, Lament of Innocence, que j'ai découvert en 2003, en 2004, dans ces années-là, que j'avais loué au Blockbuster sur Côte-des-Neiges, parce que j'habitais à Côte-des-Neiges, un quartier dans une place absolument atroce, et où est-ce que j'étais très malheureux. Là, j'étais pas malheureux, mais ça a été un bout off, ça, pour moi, où est-ce que j'ai été sur le chômage pendant 8 mois. 8-9 mois que je m'inventais des projets de portfolio pour mettre dans mon portfolio. J'envoyais des CV, j'essayais d'avoir des entrevues partout. Je me suis tellement promené, là, ça a tellement été dur. J'avais perdu ma première job en sortant de l'université, puis c'est ça, c'était pas évident, je réussissais pas à trouver. Puis j'ai joué à Lament of Innocence pendant ces longs mois. À essayer de trouver du travail, mais au moins dans notre appartement miteux de marde dans lequel on vivait, ça coûtait pas cher, l'électricité était inclus, et puis au moins c'était ça, tu sais. Donc, premier Castlevania 3D pour moi, puis je pense que c'est le... c'est pas vrai. Il y avait eu celui-là au Nintendo 64, mais ça, j'en parlerai pas parce que j'ai juste joué un peu à Castlevania 64 et puis j'ai trouvé ça atroce. Et puis, j'ai vraiment été déçu de ça, pour être franc, là. Et puis, le deuxième Legacy of Darkness, j'ai juste pas joué du tout et je ne possédais pas de 64. Alors, j'ai rien à dire sur ces jeux-là. J'ai regardé des vidéos comme tout le monde et puis voilà. Sinon, c'est ça, moi, les Castlevania 3D, mon premier, ça a été Element of Innocence. Et puis, j'avais un petit peu peur, tu sais, de ce que ça allait être. Mais là, j'étais, c'est ça, je sortais de l'université, j'étais sur le marché du travail, tu sais, puis je gamais plus. C'est quelques années plus tard que j'ai commencé à être collectionneur vraiment intense. Et puis, mais j'étais pas dans les jeux vidéo encore tant que... C'est pas vrai, j'étais dans les jeux vidéo. J'étais intéressé par ça, mais je capotais pas ma vie là, là-dessus encore. Fait que j'ai loué ça en me disant, bon, tu sais, ça m'intéressait putain, moi, la PlayStation, puis tout ça, puis les jeux 3D, puis je trouvais ça compliqué, les manettes, les boutons, les affaires. Fait que j'ai loué ça un peu en me disant, ça va être poche, puis je vais être fâché parce que je comprendrai rien. Mais finalement, non. C'est pour les épais comme moi, c'est bien correct. Ça convient. Et puis, j'ai pas trouvé ça... Tu sais, vous allez courir beaucoup dans les labyrinthes, vraiment. Vous allez... c'est brun, c'est noir, tu sais. Beaucoup de courir dans des labyrinthes vides. Et puis, il manque de stock, là, quand même. C'est... Il y a tout, tu sais, encore une fois, beaucoup d'affaires à équiper, de la potion, tout ça. Tous ces éléments-là, il y a tout ça. Je me rappelle plus exactement comment c'est découpé, mais le château est découpé section par section. Fait que vous allez tout faire ça. Des boss, tu sais. Des beaux combos, là, à la God of War, là. Je sais pas si God of War était déjà sorti dans ce temps-là ou non. Mais ça... le fouettage... Oh, ambulance dehors. Le fouettage, il est comme ça, là, tu sais. Fait que c'est des moves comme ça. Mais il y a du Castlevania là-dedans aussi. Il y a du lore en masse. Et puis, de ce qu'il y a d'intéressant avec ce Castlevania-là, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est que ça serait dans le premier de tous les Castlevania si on suit l'histoire, tu sais. Leon Belmont, là-dedans, serait le premier Belmont. Et puis, on assiste à la naissance, la création de Dracula, en fait. On sait qui est Dracula à la base et pourquoi il est Dracula. Le fouette, le Vampire Killer, pourquoi est-ce qu'il devient, tu sais, puissant, qu'il devient si fort, tu sais, de quoi qui se passe avec ce fouette-là dans le jeu-là, il t'explique ça. Donc, c'est très cool, tu sais. Moi, c'est pour ça que j'aime ce Castlevania-là, parce que c'est avant tout pour le lore, parce que c'est le premier, et puis il t'explique tout ça dedans. Et puis, est-ce que c'est joli comme histoire ou c'est malade? Non, pas vraiment. Mais pour une fois, tu sais, on a les origines, l'histoire d'origine. C'est tout là que ça se passe. Puis, si vous avez écouté la série Castlevania sur Netflix, un moment donné, Trevor, quand il descend dans la voûte, dans le sous-sol, dans la voûte des Belmont, il y a un très gros portrait sur le mur de Leon Belmont. Alors ça, je trouvais ça très nice, là, tu sais, c'est un beau clin d'œil. Donc, définitivement pas le plus grand des Castlevania, mettons, mais un Castlevania efficace. Et puis, tu sais, j'aimais ça, là, j'ai été satisfait. Et moi, il fallait que ça sonne Castlevania aussi, là, tu sais, il faut que ça aille. J'ai l'impression de jouer à un Castlevania, et c'était le cas. Donc, c'est réussi. Le deuxième, encore une fois, au PlayStation 2, là, je dis ça, il l'avait aussi au Xbox original, je pense, le deuxième, qui est Curse of Darkness, qui met en vedette Hector, qui est comment est-ce qu'il appelle ça, donc? Quelqu'un qui crée des bobites pour Dracula, en tout cas. J'ai oublié le nom. Et puis, donc, c'est un personnage inédit, là, finalement. Il y en a un autre aussi personnage comme lui qui crée des bébites pour Dracula qui s'appelle Isaac. Et puis, il y a un autre personnage là-dedans aussi, un alchimiste qui s'appelle Saint-Germain. Et puis, Dracula est là. Et puis, vous allez revoir aussi un certain Trevor Belmont là-dedans, que vous allez affronter aussi. Donc, vous jouez Hector avec son épée et ses bébites qui contrôlent, mais vous rencontrez Trevor. Et puis, si on se replace, là, Trevor était dans Castlevania 3 au NES, qui vient avant Simon Belmont et Castlevania 2. Donc, Trevor est plus vieux que Simon. Et puis, donc, tout ça, Hector, Curse of Darkness et toutes ces affaires-là, ça se passe là, avant, tu sais, donc c'est vieux. Après Leon Belmont, mais avant Simon Belmont, puis bien sûr, Rector, c'est ce qu'il y a de plus récent là, dans l'histoire de Castlevania, dans le fond. Fait que c'est un peu là que ça se situe. Alors, c'est intéressant de voir Trevor là-dedans. Et puis, ça ressemble un peu à Element of Innocence au niveau, tu sais, du gameplay, comment les niveaux sont découpés et tout le tralala. C'est plus chargé, c'est plus garni, pour vrai. Ce jeu-là a pris quand même pas mal de valeur aussi dernièrement. Et puis, j'ai beaucoup apprécié. Puis, c'est sûr que c'est agréable de faire monter le niveau tes bébites qui te suivent. Là. Des millions. C'est des Devil Forge Master. C'est vrai, c'est le même, ça s'appelle. Donc, voilà. Et puis, si vous avez écouté Castlevania, la série sur Netflix, ça raconte vraiment... tu sais, comme... Il y a un gros bout là, de Hector avec Isaac, qui est très différent par contre. Hein? Dans le jeu, il est très... je sais pas comment le dire, là... androgyne... très... Harlequin fou, là, tu sais. Puis dans Castlevania, il est pas de même du tout. Et puis, c'est ça. Excusez, je suis un peu mélangé à mes affaires. On va prendre une petite gorgée. Ah, mais ouais. Donc, Isaac est là. Il est un peu un ennemi de Hector. Et puis, comme dans la série. Et puis, Trevor est là. Parce que Trevor, tu sais. Mais Sifa est là aussi. Fait. Et puis Saint-Germain est là aussi. Donc, la série Castlevania Netflix mélange Castlevania 3 et Castlevania Curse of Darkness. Puis ça fait plein de sens, tu sais. Ça marche. C'est comme les vraies affaires. Il t'explique pas... oui, il explique les origines de Dracula. Ben, il t'explique pas les origines de Dracula, c'est faux. Mais il y a du backstory de Dracula aussi. Puis, mais il se rend pas jusqu'à Element of Innocence, t'sais. À part le portrait de Leon Belmont, il est pas question d'origine ou de pourquoi, tout ça, parce que ça commence... Le Belmont qui est présent, c'est Trevor, donc il y a déjà tout ça de fait. Mais le fait qu'il rende hommage en mettant Leon, ça vient tout faire du sens, là, tu sais. Donc, c'est ça. Ben, moi, j'aime beaucoup ces deux jeux-là parce qu'ils sont raccord avec la série Netflix. Puis j'aime la série Netflix parce qu'elle rend hommage à Castlevania 3 et Curse of Darkness et que tout ça se tient, tu sais. Tout ça respecte la série Castlevania. Puis Curse of Darkness est un excellent jeu. Fait que c'est ça. Puis là, on va repartir de quoi? T'sais, je vais revenir à la caméra. Je paye sur les pitons. Fait que là, c'est ça. Castlevania pour moi. Et puis là est arrivé avec la PlayStation 3 la série Lords of Shadow. Et puis moi, Lords of Shadow a tout pris, tout ce que je vous raconte depuis tantôt, Simon, Trevor, Hector, tout ça, Sonia, Call is to Save Richter. D'ailleurs, la prochaine série de Castlevania sur Netflix ont teasé Richter, alors ils vont continuer dans cette lignée-là. Ils vont juste continuer de... Peut-être qu'il va y avoir Soma Cruz éventuellement, qui sait. Fait que la série Castlevania fait bien les choses. Lords of Shadow fait pas bien les choses. Ils ont juste comme rebooté la série carrément. Et puis avec Gabriel Belmont, qui, là je vais spoiler ça, et le Belmont qui devient Dracula, tu sais. Fait que là, ça vient casser ce que Element of Innocence expliquait. Fait que ça, c'est de la merde. Et puis le jeu, moi, c'est un jeu convenable, là, mais c'est God of War. C'est carrément God of War, mais reskiné Castlevania. Puis moi, en jouant à ça, j'avais pas de... J'avais pas de sentiment de Castlevania. Je l'avais en jouant à Curse of Darkness puis Lament of Innocence. Mais en Lords of Shadow, c'est comme juste bland. Tu sais, c'est... Ça n'a pas de saveur, là. C'est juste écrit Castlevania sur la boîte, puis c'est tout, là, tu sais. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de Castlevania là-dedans. Fait que ça m'a grandement déçu. J'ai pas joué à Lords of Shadow 2. Par contre, j'ai joué à Lords of Shadows Mirror of Fate, le jeu qui est sorti sur 3DS et qui ont rendu disponible ensuite sur PlayStation 3 aussi et Xbox 360 en digital. Puis là, bon... Vu qu'ils ont tous scrappé Castlevania, au moins ce qu'ils font d'intéressant avec Mirror of Fate, c'est qu'ils t'expliquent des choses, tu sais, dans leur univers, tu sais, qu'ils ont créé parallèlement en scrappant tout le reste de la Legacy. C'est que Gabriel Belmont est devenu Dracula. Puis, toi, Trevor Belmont, attends un peu, là c'est compliqué, là. Parce qu'ils ont ramené Simon Belmont là-dedans. Et puis, ils ont ramené Sifa Belnadez, ils ont ramené Trevor, ils les ont mis ensemble, ils ont eu un bébé, puis leur bébé, c'est Simon, tu sais. Ça, je veux dire, ça fait quand même du sens. Tu peux prendre cette histoire-là, puis vivre avec, puis ça fait du sens aussi, tu sais. Puis à plus tard, là, je vous spoil toute la crise d'affaires, Trevor Belmont s'en va affronter Dracula, donc Gabriel. Et puis Gabriel mort Trevor et le transforme en Alucard. Donc, Alucard serait Trevor Belmont pour la série Lords of Shadow. Fait que ça fonctionne, tu sais. Même que c'est plus simple et plus élégant que la série originale de Castlevania comme explication de tout ça, tu sais. Mais c'est juste que c'était pas ça, tu sais. Ils l'ont réinventé, puis c'est pas ça la vraie histoire, tu sais. Comme. Ils ont tout réinventé avec ça, puis ça m'a déçu. Puis est-ce qu'il y a un bout intéressant aussi dans Mirror of Fate, qu'il y a des, tu sais, il y a beaucoup de lectures là-dedans, des fragments de patentes que tu trouves. Et puis, il y a des bouts qui parlent de la famille Dynasty, donc de Grant Dynasty, qui est le pirate de Castlevania 3 qui grimpe ses murs. Donc, encore une fois, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, tu sais. Donc, Mirror of Fate, ce que j'aime, c'est qu'il révèle plein d'affaires. Tu sais, dans Lords of Shadow, c'est Gabriel Belmont, et puis c'est Dracula, puis merci, bonjour. Il devient Dracula, puis c'est pour ça qu'il y a un Dracula, tu sais. Là, c'est comme un peu whack. Comment est-ce qu'il devient exactement? As-tu un vampire? Je sais pas, je me suis pas rendu jusque-là. J'ai pas fini le jeu, parce que je trouvais ça pourri. Et puis, dans Mirror of Fate, au moins, il t'explique ça. Bon, Gabriel Belmont, il transforme Trevor en Alucard, puis Trevor, il a un bébé avec ses fous, puis c'est Simon, tu sais. Puis Simon est crissement badass. Fait que je l'adore, Simon, là-dedans. J'adore la pochette de Mirror of Fate. Je tout le artwork de tout ça, je trouve ça tout beau, là, tu sais. Puis le jeu, il est bon aussi, là. Il est... Parfois, il est comme 3D, mais 2D. Je pense que c'est fait par Mercury Steam, qui ont fait le remake de Metroid 2, Return of Samus, sur 3DS aussi. Donc, c'est du bel ouvrage, tu sais. C'est un bon jeu. Moi, j'ai aimé ça. Et puis, c'est le seul Lords of Shadow, à mon avis, qui vaut la peine. Quoique, j'ai pas joué à Lords of Shadow 2, tu sais. On va y donner sa chance. Bruno, il dit que c'est super bon. Mais Bruno, il aime pas mal d'affaires. Fait que je suis pas sûr. Mais ça me tente même pas de m'essayer, anyway. J'ai d'autres chats à fouetter. Oh my God, c'était bon, ça. Il me reste deux petits Castlevania à parler qui sont un petit peu plus champ gauche. Et puis, on va y aller avec Kid Dracula. Waouh, je vous amène ailleurs en maudit avec ça, n'est-ce pas? Qui est un jeu de Famicom. Et puis, il y a une version qui est sortie au Game Boy aussi, qui est d'ailleurs dans le top des jeux Game Boy les plus rares. D'ailleurs, je veux juste revenir sur les prix, vu qu'on en parle. Je vais aller voir, parce que je suis curieux, Curse of Darkness au PS2, ça vaut combien, ça? Curse of Darkness. Donc, au PlayStation 2, complet dans sa boîte, ça vaut maintenant 85$. Non, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Puis, Kid Dracula au Game Boy, je vais pas compter au Super Famicom. Là. Kid Dracula au Game Boy, juste la cassette, ça vaut 300-320$. Alors, c'est pas commun, ça, les copains. Mais ce que vous voyez, là, présentement, c'est la version Super Famicom. Ben, je vais regarder. Ça aussi, ça doit valoir très cher. Ça fait pas de la ben bonne TV, mais au moins, vous avez de quoi regarder pendant que je cherche. Donc, Kid Dracula, super, j'ai écrit Super Famicom. Kid. Je sais pas si ça va sortir aussi. Il faut que je mette le nom japonais, tu sais. Ouais. Non, ça le sort pas. Faudrait que je trouve le nom japonais que je l'écrive. En tout cas, fuck it, là, mais je sais que ça vaut cher. Donc là, vous voyez la version Famicom. Qui est disponible sur le Castlevania Anniversary Collection. Très bonne façon d'y jouer, pour vrai. Et puis, c'est un platformer. Tu es l'enfant de Dracula. Et puis, tu te bats pas contre Dracula. Mais c'est pas dans la série des Castlevania. C'est pas un Castlevania. Mais, tu sais, il y a de la musique de Castlevania. Puis, des petits clins d'œil, là, très, très, très légers. Mais c'est vraiment une affaire, là, séparée, là, et unique. Donc, on est vraiment ailleurs avec ça. Et puis, tu as des magies que tu pognes à chaque fin de niveau. Il y a des petits niveaux bonus aussi entre les niveaux. Puis ça, on s'en sac. C'est très à plat, grosse couleur. À plat, tu sais, gros visuel NES, là. Comme on est un très de base, là, tu sais, mais très efficace. Très cartoony. Très bien fait. C'est pas si facile. Pour vrai, comme jeu, surtout à la fin, là, il y a un ascenseur qui monte, puis il y a un boss qu'il faut que tu combattes plusieurs fois. Mais, tu sais, à force de répétition, t'es comme, OK, là, il va te tuer genre une vingtaine de fois, puis après, il te touchera plus parce que tu sais exactement quoi faire. Là, il y a un petit niveau sur rail que vous pouvez voir qui est intéressant. Donc, beaucoup de choses dans ce kit Dracula. Ça vaut la peine, tu sais. Je veux dire, pas... Parce que c'est Castlevania. Si vous voulez jouer à un jeu de Castlevania, ça, c'en est pas un. C'est un référent. Mais les gens le mettent dans loop quand même. Et puis, avec raison. Et puis, c'est ça. Beaucoup de magie, beaucoup de choses à faire. Très cartoon, très funny. La version Game Boy est différente, mais très efficace aussi. Donc, comme je disais, ça va vous coûter 300$ pour le jeu Game Boy. Mais... Vous pouvez tout télécharger ça dans votre Analog Pocket maintenant, n'est-ce pas? D'ailleurs, faudrait qu'on en fasse un épisode sur la Analog Pocket à Rétro Nouveau, un épisode officiel. On l'a jamais fait. Donc, dernier Castlevania, complètement champ gauche. Intellivania, mesdames et messieurs, vous avez vu que je porte fièrement mon chandail de Intellivision Amico aujourd'hui. On n'aura jamais de Amico, mais on a eu Intellivania, dans le fond, qui est un fan-made homebrew qui reprend Castlevania 1 du NES sur Intellivision. Et puis, mon Dieu, ça le fait vraiment bien. Pour vrai, là, c'est surprenant. Vous voyez à l'écran, là, bon, là, mettez-vous en tête, c'est de l'Intellivision, hein? C'est du pré-NES, ça, là. C'est pas... Il n'y a pas de power, là, là-dedans. Mais le gars, il a fait une job là, vraiment, vraiment excellente. Puis la musique, il a repris la musique. Il a tout fait, sérieux. Là. C'est vraiment cool. Même la pochette est vraiment belle du jeu. Le seul problème de ce jeu-là, c'est qu'il joue avec une manette d'Intellivision. Là, je sais pas ce qu'il fait, le gars, dans le gameplay. Il reste planté là. Avance, épais. Hein. Je veux que la foule voit du gameplay. Mais bon, ça sera pas le cas. Mais excellent jeu. Moi, à cause de la manette, je réussis pas, tu sais, à avancer là-dedans. Je trouve ça vraiment difficile. Mais mon ami Kevin Boilly, il était en train de le finir, là. Il était rendu pas mal loin. Et puis, on avait du fun. Ben, du moins, j'avais du fun à le regarder. Donc, ce jeu-là, avec une bonne manette, là, t'es ailleurs, là, tu sais. C'est vraiment intéressant. Si vous voulez acheter ça... Faites une recherche. Tu sais, le gars, il fait ça lui-même. Je suis pas sûr qu'il y en a éternellement. Aussi, il fait des batchs de temps en temps. Clairement, ça sold out très rapidement. Mais c'est un jeu hommage. Et puis, c'était vraiment... C'est vraiment bien fait. Puis, je suis bien fier d'avoir ça dans ma collection. Ah! Hey! Ça fait le tour! Ça fait une bonne heure et vingt que je parle de toutes les Castlevania qui ont été dans ma vie. J'essaie de penser si j'en ai oublié d'autres. Je pense pas. Ceux-là de 64, comme je disais, je joue pas. J'ai quand même parlé un peu des Lords of Shadow, même si j'ai pas vraiment apprécié ou joué. Je pourrais parler de Haunted Castle, qui est disponible sur la Konami Arcade Classic Collection, qui va sortir en physique bientôt. Moi, j'avais acheté ça en digital, qui est comme un jeu d'arcade. C'est un Castlevania, là, tu sais. Mais tellement broken, puis pas juste, là, puis difficile, là, tu sais. Mais je l'ai fini quand même. Je l'ai fini parce que quand tu prends une vie ou quand tu prends un continu, tu recommences à une place précise. Puis ça équivaut, ça, à recommencer à cette place-là dans l'arcade si tu mettais un 25 cents. Donc, techniquement, c'est pas un safe state, c'est pas triché. C'est vraiment le jeu où est-ce qu'il te recommence. Puis c'est comme si tu avais des continus illimités. Alors, j'ai pris le temps de finir ça. Puis je suis content de l'avoir fait pour vrai. Fucking dur, là, tu sais. Parce que broken, puis les affaires t'apparaissent d'en face. Puis tout, c'est vraiment pas juste. Mal fait, cassé. Il n'y a rien qui va avec ce jeu-là. Mais c'est intéressant quand même. Ouais, j'ai besoin de boire de l'eau aussi. Castlevania Judgment sur Wii, le jeu de combat. Il est pas si pire pour vrai. Si on parle du gameplay, là, c'est un jeu convenable. Et puis, j'ai pas aimé du tout, par contre, ce qu'ils ont fait avec les personnages. Tu sais, mettons, Grand Dynasty, il est là, puis il a de l'air de Voldo, là, avec une grosse affaire en rond avec des pics, puis des personnages très, très, très, très, très japonais, là, très androgynes aussi, là. Ça me plaît pas, là, tu sais, j'aime mes barbares Castlevania, vraiment classique, là, tu sais. J'aime beaucoup ça, comme Simon, comme le amiibo de Simon, tu sais. Ça, c'est Castlevania. Rector aussi, l'amiibo est vraiment nice. C'est des beaux amiibo, ça. Très, très cool. Et puis, non, je pense que ça fait le tour. Fait que, ouais, pour moi, Castlevania est définitivement une de mes séries, sinon ma série préférée. Pourtant, je joue pas continuellement à toutes les Castlevania tout le temps, mais c'est des jeux qui m'ont fait vivre bien des émotions et puis dans lesquels j'ai mis beaucoup de temps. Que j'ai dévoré chaque jeu que j'ai acquis, que j'ai eu à Noël depuis que je suis petit jusqu'à là. Là, s'il y avait d'autres Castlevania, je capoterais. Curse of the Moon est pour moi un genre de Castlevania. Puis j'ai capoté. Fait que ça, c'était très bien. Donc, on l'attend, le prochain Castlevania. Là, il y a comme des... Konami, il se remet en branle un peu. Hein? Il commence à se réveiller. Et puis à poker des compagnies pour développer certaines de leurs franchises et tout. Donc, définitivement, qu'il y a de quoi à faire avec Castlevania. Puis un jour, quelqu'un, quelque part, va refaire un Castlevania où il y aura un nouveau Castlevania. Et ça se peut pas qu'il n'y ait plus jamais rien. Alors, à surveiller. Sinon, ben Netflix ont teasé une nouvelle série avec Richter. Ça se passe dans des temps plus récents, on dirait. On voyait une espèce de navire à voile en arrière. J'ai bien, bien hâte de voir ça, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Mais même si vous n'êtes pas fan de Castlevania, la série est très bonne. Mais si vous êtes fan de Castlevania, en plus, vous allez voir là-dedans des Easter eggs là, à côté. Il faut quasiment que tu mettes ça sur pause tout le temps pour voir tout ce qu'il y a là. C'est vraiment cool. Moi, j'ai trippé solide. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode spécial Castlevania, ma foi, qui était bien chargé. Merci énormément à JF d'avoir pris le temps d'extirper tout ce gameplay-là et puis de mettre même le titre des jeux par-dessus et d'avoir tout setupé ça. Là, on est en business, là, tu sais. Là, ça va bien. Je vois comment ça marche. J'ai juste 2-3 boutons à peser. Là, quand le show va être fini, je vais envoyer ça sur YouTube. On va regarder. J'espère que mes volumes sont bons. Donc, si c'est pas parfait, pardonnez-moi, mais ça va le devenir. On travaille là-dessus. Et puis, eh bien, je remercie mon commanditaire, les cafés Level Up, qui vont permettre de me garder en vie encore une couple d'années. Je suis bien content. Allez sur leur site web, levelup.coffee, pour commander, en fait, le café. Il y a un point de vente à Québec à la boutique Arkham. Ouais, il me semble que c'est le nom de la boutique. De toute façon, c'est sur leur site web au point de vente. Mais sinon, vous pouvez simplement commander le café par la poste et puis vous réveiller avec ça. Ça va faire du bien, je vous le garantis. Donc, merci à tous d'avoir été là. Bon, là, il n'y aura peut-être pas... Ça sera sais, là, là, j'ai fait un épisode de même. Je pense que je peux enregistrer comme ça maintenant. Ça, ça fonctionne. Je vais pas faire des gros spéciaux comme ça tout le temps, tu sais, mais c'était le fun d'en faire un. Et puis, ben, j'espère que vous avez apprécié. Alors, bonne journée tout le monde. Et puis, on se reparle très bientôt.